c'est pour mes gars sales, c'est pour mes cailles mal. Et les bestiales pour être épouvantables. Qui c'est qui est venu pour la première place? Qu'à la dalle pour graille sans faire détail. 9-4 criminal, c'est pour mes gars sales, c'est pour mes cailles mal. Et les bestiales pour être épouvantables. Qui c'est qui est venu pour la première place? Qu'à la dalle pour graille sans faire détail. 9-4 criminal. Système T, mec, tu connais la cause. La vie au combat, alors j'espère que Dieu me donnera la force. Un sens à ma vie, histoire de ne pas tomber dans la fosse. On reste comme on est, on se travestit pas. Kitouyous peut pas plaire à tous. Rien à foutre de tes hondis, seule la voix du ciel me touche. Trouve pas sa louche. Si dès le matin tu me trouves, j'en collé à la bouche. Fais pas le bonhomme sur Comico, tu fais la femme enceinte. Et gros t'accouche de la première pression. Petite caisse, H24 sous la tension. Dès qu'ils nous voient, ils deviennent cardiaques. Je n'ai déjà agressif comme un carjacking. Tu fais des messes, me rabaisse, gros je te baisse. Tu vois pas plus haut que ma cheville, gros je te piétine. On est cramé à la racine depuis la tétine. Souvent l'argent nous brûle la rétine. Ce soir y'a rien, ça sort la bibine. Kamaskar au feuille à rouler. Et ouais ma gueule faut bien décompresser. Je roule avec une grande dalle. L'MC remballe, j'ai l'esprit vandale. Tu me parles d'osier et je m'emballe. Et je m'emballe dans un plan pour pied. Ça sent la fouillée, je suis trop pris car j'ai trop de rebiais dans mes fourrés. Ici les mecs aiment faire des cascades. Ça sent la castagne. Nous on fait des pompes pour que les coups fassent mal. Et quoi de plus dangereux aussi. Qu'un mec a rien à perdre. Moi je m'en bats les couilles du monde. J'ai des comptes à rendre à mon père, à ma mère. C'est noir, never. Y'a plus le temps de jouer les rivers. C'est le VDF dans toute sa ferveur. Élite bestiale, on fait la dip malgré nos défauts. Moi c'est Cyril, je suis timide et je t'encule s'il faut. Tu crois me connaître, c'est faux. Ici, y'a peu de choses qui m'intéressent. Faut que je me casse de l'autre côté du globe terrestre. Pour l'instant, les joints s'allument quand je lâche un freestyle. Sur Paname, je suis sauvage. Je crois que je suis né pour faire du sale. J'arrive avec les crocages et la dalle. Qui c'est qui viendra et de manière crime et criminale. Avec un rap à lacrymogène, j'viens vider mes coronets ce soir. C'est la fête, sortez les fumigènes. Yo yo, Elipestial. Ok ok, c'est pour mes foufous, l'aigle, mes fous de vitesse. Amateur de PES, de billets verts, de Mercedes. Chérie, fais pas la peine, on te connaît. Ton string ficelle ne fait plus d'effet sur moi et mes refrains, donc de ce fait. J'viens vandaliser comme mes séries. Mes gars sont électriques sous l'effet de la tisse. De la tête du shit, 9-4 enfants terribles. Cousin, c'est l'élite, donc faudra faire avec. Le monde est stone, demande à Corso, c'est pas son premier verre. En featuring avec le THC. Tire une taf à la santé, c'est pour les blacos, les rapsous, les cassos. Qui carburent au pédo et au bastos. VDF on s'en sort bien mais c'est pas Las Vegas. Pégase, tu veux que je te respecte, ton string dépasse. Pétasse, une vie d'hématome, la haine comme symptôme. S'il y a silence dans la tête, c'est que le jazz se passe. Le temps passe et te met une baffe comme le X6. Et te laisse un goût amer comme la vitis. On aime tout ce qui n'est pas notre portée. Là où nos rêves sont précocement avortés. Il est temps de sortir la tête de l'eau. Nique sa mère le SMIC, on veut des liasses d'euros. En assoce avec l'équipe type. Chip salope, tu veux mon pif. T'es là pour me soulager les couilles. Hey, c'est pas ma couleur, mais le colon, le fardeau. Mon amour court dans le précipice. Contre l'échec, y'a pas d'assurance fille. Sous-estimé, petit mort estimé. C'est l'écriture qui fait la diff profonde.